1, 2, 3. Voilà, j'avais envie de souligner juste que c'est énorme d'entendre cette histoire-là sur cette pétition en ligne qui disparaît. Voilà. On aurait aimé mieux comprendre. J'aurais aimé mieux comprendre le pourquoi du comment. Le pourquoi du comment, avoir des gens en face qui expliquent. Mais c'est quoi ce délire? Il y a 105 000 personnes qui signent une pétition, qui ne sont pas d'accord pour cette 5G, voilà, et on laisse un peu comme ça. D'ailleurs, j'ai fait une petite recherche de rien du tout sur Internet. Il n'y a absolument pas de critique par rapport à la pétition en ligne, quoi. Il y en a des tonnes de pétitions en ligne. Et en même temps, c'est facile, hein. On a agi, on a fait quelque chose de son fauteuil. C'est tranquille, quoi. Enfin, c'est une vraie question, tout ça. On écoute Marie-Laure tout de suite. Mais avant, on s'écoute une petite musique là qui donne la pêche. N'est pour nous ni un État qui doit être créé, ni un idéal sur lequel la réalité devra se régler. Nous appelons communisme le mouvement réel qui abolit l'État existant. Das Kapital! Das Kapital! Das Kapital! Das Kapital! Pas dire ça, on est exactement, mais Bruxelles quand même, on peut dire micro ça ouvert. Oui. Marie-Laure, bonjour Marie-Laure, je suis chez toi. Et pourquoi on se voit? Parce que on va parler d'une pétition de 5G, de confinement, le tout premier du moins, d'une disparition de plateformes où on peut se mettre tous ensemble pour signer et être pour ou contre quelque chose. Hein, allez. Et donc, c'était le tout premier confinement, souvenez-vous, je ne sais pas s'il y en a qui se rappellent, c'est pour rigoler. Hein. Le tout premier confinement, bah oui, évidemment que tout le monde s'en rappelle. On voyait de la pub passer pour la 5G, c'est ça, hein? C'était quoi exactement encore cette pub? Bah, en fait, c'était... Alors, ce qui est très étonnant, c'est que oui, donc, ils commençaient à annoncer la 5G, c'était, je pense, Proximus, je crois. Et alors, en fait, moi, ce qui m'a beaucoup étonnée, c'est d'une part qu'on était en plein confinement, donc pieds et mains liés, hein, enfermés à la maison. Mais surtout, ce qui m'a sidérée, c'est qu'en fait, ce truc de 5G était défendu par des écolos. Donc, Alain Marron, et chez les Flamands, c'était Petra de Sutter. Et alors, je t'avoue que vraiment, là, j'étais... Quand tu dis défendre, t'as une... Ils prônaient l'installation de la 5G, ils étaient pour. Et donc, ils disaient, oui, c'est formidable, etc. Il faut absolument qu'on passe à la 5G. Et voilà. Donc, j'ai été très étonnée. Pourquoi? Parce que t'es écolo? Non, oui, enfin, je... Ou parce que t'es... Non, mais... tu vois? Je le suis, mais pas... Pas au sens d'un parti, on va dire. Hein. On aimerait tous qu'il le soit au sens d'un parti. En tout cas, au début, avant qu'il devienne parti, il se disait... Oui. C'était un mouvement aussi, oui, tu vois. Oui, tout à fait. Mais non, moi, je ne suis plus du tout d'accord avec eux. Plus du tout. C'est terminé, ça. J'ai pourtant... Hein, ça m'est arrivé de voter, mais là, non. Niet. Et quoi? Et alors, qu'est-ce qui se passe? Ça te met en colère de voir tout ça? Qu'est-ce qui te met la main à la patte pour écrire une pétition? En fait, je trouvais que c'était très gonflé de leur part de lancer ce truc-là, alors que justement, personne ne pouvait bouger, personne ne pouvait manifester. Bref, on était coincés. Et j'ai trouvé ça vraiment très malsain, en fait, comme comportement de leur part. Mais de qui on parle là? Moi, je parle des politiques qui veulent toujours, hein, en fait, nous coller ce truc-là. Et voilà, donc je me suis dit, tiens, mais vraiment, comme ça, je me suis dit, tiens, je vais lancer une pétition pour voir. Et il se trouve... T'avais déjà fait ça? Non, jamais. Et il se trouve qu'en 8 jours, il y a eu 105 000 signatures. Alors ça, c'était quand même absolument extraordinaire. Donc, en fait, je m'y attendais pas du tout. Un jour, je vais voir où ça en est. Et je vois ce nombre de signatures et je me dis « Waouh !» Et puis, du jour au lendemain, cette pétition disparaît. Après combien de temps, tu sais dire ça? Je sais pas, j'imagine 2 semaines. Donc, assez rapidement, en fait. Or, il y a eu un problème. C'est-à-dire qu'en fait... Quand tu fais une pétition, quand tu mets en ligne une pétition comme ça, tu as des gens pour qu'il y ait plus d'écho, plus de gens, etc. Tu as des gens qui donnent un peu de sous, tu vois. 5 euros, 10 euros, etc. Et donc, il y a des gens qui ont donné de l'argent, tu vois, pour aller en procès. C'était ça l'idée. Donc, non, j'ai perdu mon fil là. Est-ce que tu... Ouais. Oui. Donc, une pétition, c'est pas payant à la base. Non, c'est pas payant la pétition. Mais après, cette pétition, c'était le but de la pétition, c'était d'avoir beaucoup de monde et de pouvoir aller en justice. Okay. Voilà, je me suis mal exprimée. Et donc, il y a des gens qui ont donné de l'argent pour pouvoir payer l'avocat. T'as des frais, t'as des conneries, voilà. Mais donc, il y avait déjà en soi toute une logique et un projet, en fait. Faire une pétition, se mobiliser et aller en procès. Oui, parce que quand j'ai vu qu'il y avait tellement de gens, je me suis dit, mais c'est génial. Et là, ça aura peut-être du poids. Et en fait, non. Hein, ça... finalement, pas tellement. C'est-à-dire qu'ils ont supprimé la pétition. Et donc là... Mais en fait, c'est au moment où change.org a supprimé la pétition que là, je me suis dit, c'est pas possible, c'est inadmissible. T'étais furax? Oui. Vraiment furax ou... Oui, j'étais vraiment pas... Étonnée, contente. Mais qu'est-ce que c'est? J'étais stupéfaite même. Je me suis dit, c'est quand même incroyable d'avoir le culot de supprimer finalement 105 000 signatures, donc 105 000 personnes qui... En plus, ont été traités de complotistes, hein, parce que ça, c'est le grand truc en ce moment, c'est dès que, de toute façon, t'es pas d'accord, t'es complotiste. Hein. Donc, voire d'extrême droite, alors ça, c'est aussi, c'est les deux arguments Oui, qu'on met en avant pour pas, voilà, pour pas vraiment regarder la chose. Mais justement, n'en parlons pas. Oui, comme oui, ça, on évacue ça et on regarde vraiment... Voilà. Donc voilà, donc, ben, écoute, ça s'est passé comme ça. Donc on est allé au tribunal. Et... Attends, parce que là, tu vas veiller. Hein. Ah. Donc, la pétition, elle est baquée. D'abord, c'est une pétition de change.org. Pourquoi tu choisis cette plateforme-là plutôt qu'une autre? Tu t'en fous, en fait. Je m'en fous complètement. Celle-ci ou celle-là, oui, ça n'a pas d'importance. De toute façon, je crois que ça doit être à peu près la même chose. Quand tu veux dire... Qu'est-ce que tu veux dire quand tu dis à peu près la même chose? Les autres plateformes, j'imagine que c'est à peu près du même acabit, donc voilà. Oui, tu t'es pas renseigné plus que ça, tu as pris cette change.org et puis en avant. Donc ça, tout ça disparaît, t'es furax, et qu'est-ce qui se passe? Ben, on va en procès, donc on va au tribunal. J'imagine que d'abord, tu essayes de savoir qui c'est, ce change.org. Oui, alors c'est... Tu n'as pas essayé de les contacter pour dire, mais qui êtes-vous? Change.org, c'est tout en haut de la pyramide, c'est George Soros, donc qui est un personnage quand même assez douteux, on va dire. Hein, les gens peuvent se renseigner, aller voir qui c'est Open Society. En fait, il infiltre absolument toutes les institutions, la Ligue des droits de l'homme, enfin plein de trucs. Mais n'aie pas peur de le dire. Parce que le... Non, mais c'est... Qu'on le sache. C'est un peu, si tu veux, comment je pourrais dire, c'est quelqu'un qui est aussi puissant que tous ces trucs, McKinsey, BlackRock, Vanguard, tout ce bazar-là. Donc voilà. Une machine de guerre, quoi. Une machine de guerre, exactement. Et alors donc, on se dit, quand même, on va aller en procès, on va aller au tribunal, etc. Et alors, c'est ce qu'on fait. Mais quand tu dis « on », c'est qui exactement ? Juste l'avocat et moi. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que, et c'était un peu couru d'avance, mais bon, voilà, on l'a fait, c'est que les magistrats, en fait, ils n'avaient aucune connaissance dans ce domaine. Dans le domaine de la 5G, enfin de tout ce qui est réseau de communication et tout ça, ils n'y connaissaient rien. Mais un exemple pour qu'on comprenne de ce que tu dis, c'est-à-dire qu'ils n'y comprenaient rien. Comment ? Par exemple, la 5G, ils en ont entendu parler comme tout le monde, mais ils n'avaient aucune connaissance du dossier, de comment ça se passait, quels étaient les enjeux, la toxicité, enfin tous ces trucs-là. Et donc, ils ont tout simplement, en fait... Ils ne se sont pas donné la peine de chercher ni de lire. Et voilà. Et nous, on a été déboutés. C'est aussi simple que ça. Parce qu'en fait... Ça veut dire quoi ? Déboutés, ça veut dire qu'on nous a pas donné raison. Dans le sens où eux, ils ne voulaient pas se fatiguer à approfondir la chose. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire ? Donc, il y a ça qui était très important... Je ne sais plus ce que je voulais dire. Je comprends, hein, des fois, ça c'est Alzheimer avant l'heure, hein, ça. Comment ? C'est Alzheimer avant l'heure. Oui, c'est ça. Non, mais en fait, voilà, ils étaient incapables de dire quoi que ce soit sur ce dossier. Donc, ils l'ont clôturé, tout simplement. Donc, nous, on s'est retrouvés gros gens comme devant. Voilà. Excuse-moi, Marie-Laure, mais c'est d'une... C'est simple, enfin, c'est très con comme manière. Oui, mais en fait, parce qu'il y a aussi un truc qui est très important, c'est ça que je voulais dire, c'est qu'en fait, s'attaquer à une plateforme comme ça, qui est aussi puissante que ça, s'ils m'avaient donné raison, s'ils nous avaient donné raison, mais ça serait devenu énorme, et c'était pas possible. Voilà, en fait, c'est ça, la conclusion de cette affaire-là. Ouais. Tu vois. Mais ça en est où aujourd'hui ? Nulle part et on n'en parle plus. Non, parce que c'est... si, on entend... alors, c'est assez marrant parce qu'on entend sur les radios... oui, alors la 5G, etc. Ouais, super téléphone 5G, etc. Et à la fin, ils disent bien... s'il y a une couverture 5G. Hein. Donc ça veut dire que peut-être il n'y en aurait pas à certains endroits ? C'est à espérer, mais... c'est vrai que pour l'instant, moi, je ne vois pas trop... concrètement, je ne vois pas trop de... Dans la ville, là, en tout cas dans mon quartier, alors il y a une antenne pas très très loin de là, mais je ne pense pas qu'elles soient en 5G. Peut-être qu'ils font ça sous la terre maintenant, hein. Moi, j'ai vu plein de travaux. Mais ça, c'est pour la fibre, à mon avis. Eh ben oui, mais de la 5G... Non, parce que la 5G, c'est via les airs. Tu vois, obligatoirement. C'est comme la 4G. Ouais. Obligatoirement. Ben oui, la 5G, c'est dans l'air. C'est des ondes électromagnétiques dans l'air. Mmh. Alors que la fibre optique, elle est enterrée. Et c'est pour ça que c'est bien moins nocif et que c'est, de toute façon, rien ne sera jamais plus rapide que la fibre optique. Donc voilà, après, le problème de la fibre optique, c'est qu'il faut faire des travaux. C'est-à-dire qu'il faut creuser, enterrer les fils, etc. Mais au niveau de la santé, pour préserver la santé des gens, c'est quand même une option nettement plus favorable. Oui, ça, c'est comme si on réfléchissait déjà à qu'est-ce qui est le mieux, au fond. Mais là, après, on peut... Enfin, si tu veux, on en discute tout de suite. Mais moi, j'ai encore envie d'un peu rester sur cette histoire de pétition en ligne. Moi, au fond, j'y ai jamais vraiment cru à ces pétitions avant que ça t'arrive, ouais, toi, et avant qu'on découvre, parce que c'est une leçon aussi pour nous, les gens, hein, quand on signe une pétition. Hein, mais au fond, ça sert à quoi? Je pense que c'est un peu du même ordre qu'une manifestation, en fait. C'est-à-dire que ça montre que les gens ne sont pas d'accord, quand même. Ça a au moins cet avantage-là. Après, dans les faits... Oui, et mais dans ça montre à qui? Ça montre à qui? Aux puissants, là, alors? Ça prend tes données personnelles, ça... Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Mais au fond, tu vois, c'est ça qui est dingue, c'est qu'on... On nous fait croire que... Oui, après, les manifs, ils peuvent pas te... Ça, là, ils peuvent pas prendre tes données personnelles. Mais c'est vrai que via le net, ah ben oui, on peut tout prendre. Oui, mais sous prétexte de pas être d'accord, on va se mettre ensemble, on va se mobiliser, tu vois, via une pétition en ligne, c'est virtuel. Ouais. En fait, on se fait bien tout savoir, quoi. Ben oui, écoute, la preuve, hein. Oui, mais voilà, je trouve que c'est un bon cas d'école, j'imagine. Si j'étais prof dans une école de médias, de tu vois, ce que je veux dire, on étudierait ce cas-là, quoi. Ouais. Je trouve qu'on n'en parle pas assez. Oui. C'est hallucinant de voir ça. Ouais. Parce qu'on en arrive à être lobotomisé, c'est-à-dire qu'on est dans la machine. Quand je dis la machine, ça veut dire qu'on est sur le réseau. Oui. On check, on envoie un live par-ci, on fait une pétition par-là. Mais tout ça, c'est du pipeau, quoi. Ouais. Ça ne sort pas de la machine, en fait, tu vois. Mais... Je sais pas comment est-ce que tu le traduis, toi, après avoir vécu cette expérience, quoi. Peut-être que t'étais déjà critique à la base, t'y croyais pas trop. Ben là, clairement, maintenant, c'est bon, quoi. Oui, non, moi, de toute façon, c'est terminé. Hein. Moi, je n'y crois plus. Hein. À ces pétitions... Ben non. Ben la preuve, tu vois, ça sert à rien. Ben c'est-à-dire qu'en plus, là, c'était un gros morceau. C'était pas, tu vois, une petite pétition de village qui peut fonctionner. Hein. Mais là, on s'attaquait à un monstre. Donc voilà, quoi. J'ai pas été surprise plus que ça. Ils sont tellement puissants, ces gens. C'est effrayant, quoi. Voilà. Ouais, on se demande comment on peut contrer ce gros bazar. Ouais. Mais à tous les niveaux, hein, même avec cette histoire de crise sanitaire et tout ça, c'est pareil, quoi. C'est des gens, ils sont tellement puissants, c'est des milliards et des milliards et des milliards distribués à tout va, à tout le monde, pour que tout le monde ferme sa gueule et produise la bonne parole, hein. Donc, voilà. Et puis, dès que t'es opposé, dès que t'as un doute, parce que même, il s'agit même pas d'être en premier opposé, mais d'avoir un doute, le doute est interdit. Voilà, le doute est interdit, et déjà, avec cette histoire de 5G, donc au tout début, enfin, c'était un peu avant quand même la crise Covid, mais voilà, de toute façon, est ressorti ce terme de complotisme, qui n'est pas si nouveau que ça, en fait, hein, qui date, mais voilà, qui était une façon de décrédibiliser les gens qui doutaient. Oui, mais bon, pour la 5G, ce serait pas bon pour la santé, quoi. Ah ben non. Je veux dire, les ondes et tout ça, voilà. Mais évidemment, comme c'est un business, un gros business, eh bien, on évacue ce problème-là, quoi. Bien sûr. C'est ça. Ben, c'est des intérêts financiers énormes, hein, pour les opérateurs, les fabricants de téléphones. Enfin, c'est incroyable. Et d'ailleurs... Ouais. Et c'est un gâchis monstrueux, quoi, parce que t'as des gens, ils changent de téléphone dès qu'il y a un nouveau téléphone qui sort. Et puis alors là, avec la 5G, c'est fantastique, quoi. Là, c'est des profits, c'est des milliards. Oui, Oui, c'est des transformations. Bah, d'ailleurs, ça se passe à Bruxelles en ce moment, hein, avec le plan Good Move, là, t'as entendu parler. C'est parce que l'ambition, au bout du bout, c'est de faire des smart cities, en fait. Hein, donc, ils évacuent les bagnoles du centre. Ils veulent, tu vois, un monde aseptisé. Exactement, mais en même temps, autant... C'est comme ces téléphones. Je veux dire, la voiture électrique est une aberration, mais alors extraordinaire. C'est insensé. Pourquoi tu dis ça ? Bah, je dis ça parce que d'abord, il faut voir comment on fait une voiture électrique. T'as lu ? Tu t'es informé ? Oui. Donc, il faut regarder comment ça fonctionne. Tous les matériaux nécessaires pour en faire une. Ces histoires de bornes. Alors, en plus, avec le prix de l'électricité, enfin bon. On a devant ta maison, j'ai vu. Ah ben, c'est tout nouveau. Ils viennent de me faire ce cadeau il y a 2 semaines à peu près. Je me demandais ce qu'ils faisaient avec leur marteau-piqueur. Et puis, je vois ça. Et moi, je suis dans un quartier populaire. Quand on dit on voit ça, on est en radio, on ne voit pas. Ben, c'est le devant, c'est devant de chez toi. Il y a 4 places. Non, deux places avec une borne. Louchet. Il y a jamais personne. Ben, il y a jamais personne parce qu'il y a pas de voiture électrique ici. Donc, non, sérieux, il y a jamais personne. Il y a jamais personne. Mais il y a des bornes électriques. Mais il y en a une. Il y a une devant chez moi où il n'y a jamais personne. Voilà. Puisque de toute façon, les gens ici, ils n'ont pas les moyens d'acheter une voiture électrique. Pourquoi ils font ça ? Pour le futur, en fait. Ah, c'est quand tu seras plus là. Voilà, c'est ça. Parce qu'il va y avoir d'autres gens, parce qu'on va évacuer le populaire. Bah, bien sûr. Et on va mettre des gens qui pourront acheter des voitures électriques. Ça doit être ça, l'idée. Non, mais sérieux. Oui, mais sérieux. Mais la voiture électrique, ça, c'est une couillonnade. Mais moi, je ne comprends pas que les gens puissent même croire à ce truc-là, quoi. C'est fantastique. Enfin, voilà, quoi. Donc, c'est pareil, c'est comme les téléphones, c'est ça que je voulais dire. C'est la même chose. C'est-à-dire qu'en fait, on évolue d'une façon totalement contre-productive, en réalité. Donc, voilà. Mais qu'est-ce que tu veux dire quand tu dis ça ? On évolue d'une façon contre-productive. On avait des voitures, machin. Alors, à un moment donné, ils ont dit, oui, tout le monde au diesel, c'est formidable, le diesel et tout. Donc, plein de gens ont acheté du diesel parce que ça coûtait pas cher, etc. Alors, moi, je dis pas hein, que ça ne pollue pas, pas du tout. Simplement, je pense qu'il y a d'autres choses à faire à la place de plutôt que ces voitures électriques à la con, c'est faire les transports gratuits, c'est enfin remettre les gares en fonction qui ont été complètement supprimées, et notamment quand Macron, en France, était ministre de l'économie et des finances, où il a fait fermer toutes les gares, et à la place... Il a instauré ce truc de flexibus, de bus, tu sais, de bus pas cher, etc., bien polluant. Donc, je veux dire, à un moment donné, ça, rien n'a de sens, quoi. Mais quoi, t'es française, toi, Marie-Laure ? Oui, je suis française, mais ça fait très longtemps que je suis ici, mais je suis française, donc je suis ce qui se passe dans ce pays. Et puis, voilà, et puis... Bah ici, pour l'instant, qu'est-ce qui se passe ? C'est un peu les mêmes politiques menées partout oui, en Europe. Hein. En fait, ici, le gouvernement suit comme un chien, de toute façon, la politique française. C'est-à-dire qu'à 8 jours près, 8 jours plus tard, c'est le même truc ici qu'en France. Grosso modo, oui, c'est ça. C'est les mêmes politiques menées un peu partout. Oui, c'est les Young Global Leaders, hein, De Croo, Macron, tous ces mecs, Trudeau, etc. La plaie de l'humanité. Mais toi, tu dis, hein, si mes questions n'aient pas peur, hein, mais t'es qui toi un peu, Marie-Laure, qu'on comprenne un peu à qui, d'où tu parles, toi ? Bah, écoute, ça, c'est une question compliquée. Mais non, on a envie de savoir qui tu es, au fond. Mais quand je dis d'où tu parles, c'est qui tu es. D'où tu parles, toi ? Bah, écoute, moi, je suis musicienne, je dessine. Enfin bref, en gros, je suis... j'aime pas le mot artiste, mais bon, c'est quand même à peu près ça, l'appellation globale. Et en fait, je me suis toujours intéressée beaucoup à la politique, en fait, à ce qui se passe. Pourquoi, dis donc ? Pourquoi tu t'intéresses à ça, toi ? Bah parce que, comme disait l'autre, c'était qui ? C'était Jules Renard, je crois, qui disait que si tu t'intéresses pas à la politique, elle s'intéressera à toi. Donc voilà, et c'est vrai, tout est politique en réalité. Donc les gens qui ne s'y intéressent pas, tant pis pour eux, j'ai envie de dire, hein. C'est-à-dire que voilà... Mais non, tant pis pour nous, alors, oui, non, parce qu'on ne peut pas les évacuer. Tu vois, c'est ça le problème. Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'à un certain moment, quand des tas de gens votent pour tel abruti, etc., mais ils le font en même temps, en étant ignorants, quelque part. Et donc ça, c'est quand même fort dommage. Je veux dire, voilà, mais bon, après, c'est un vaste problème d'éducation, d'enseignement, de plein de trucs, de formatage. Tu ne remets pas en cause le vote non plus ? Tu crois que c'est une bonne... Enfin, tu vois ce que je veux dire ? Ouais. Si t'es critique, oui. Je trouve que l'histoire du vote, de la représentation oui. de non. personnes que t'as pas vraiment choisies à la base, non, ça pose des d'accord. vraies questions. Non, hein. Les gens, parce que, tu vois... Après, ça dépend ce que tu écoutes comme média pour avoir là une représentation du monde, mais c'est toujours mieux d'aller rencontrer les vrais gens et discuter avec eux. Absolument. Mais les vrais gens que tu discutes avec eux, au fond, c'est pas des imbéciles, tu sais. Ils ont bien compris comment... Non, il y a le bon sens. C'est vrai, il y a des gens qui ont du bon sens. Mais je veux dire, je rencontre quand même plein de gens qui n'ont aucune idée de ce qui se passe, par exemple. De quel genre tu parles ? Mais de n'importe qui. Attends, parce que là, je vais devoir je vais te gratter. Je dis, attends, n'importe qui. Tu discutes avec n'importe qui dans la rue, toi ? Non, mais moi, je dis, oui. Moi, je peux discuter dans une... Je peux discuter à l'arrêt d'un autobus. Je peux discuter avec le cordonnier. Oui, parce que c'est vraiment discuter, ça. Mais Valérie, qu'est-ce que tu veux dire, quoi ? Ben, on en parle. On parle de ces trucs-là. Et je m'aperçois quand même qu'il y a des gens qui ne sont au courant de rien. Mais par exemple, qu'on comprenne. Ben, qui sont... Par exemple, concret. Ben, j'en sais rien. Moi, par exemple, l'autre jour, avec qui je parlais, je crois que c'était avec le cordonnier, justement. On parlait de... Ça existe encore, ça, le cordonnier ? Ouais. J'ai été faire réparer les miennes, mais c'est rare, les cordonniers, t'es d'accord ? Ouais, c'est rare. Et en fait, lui, il est super smart, quoi. Il s'intéresse à la politique. Bon, alors, il y a un boucher aussi formidable. Ça veut dire quoi, super smart ? Bah, ça veut dire qu'il s'intéresse au monde qui les entoure. Voilà. Tout ça veut dire quoi, super smart ? Smart, je veux dire, ça veut dire... Ils cherchent, ils se renseignent, ils essayent de se cultiver, ils essayent de comprendre ce qui se passe. C'est ça que je veux dire par là. Donc, voilà. Et moi, j'avais même mon boucher quand il y a eu l'histoire des camions, là. Tu sais, Tu sais, au Canada, ce gros mouvement des camions. Mmh. Et en fait, ici, on a essayé aussi de faire la même chose. Et en fait, mon boucher, il a été génial. J'ai un boucher marocain qui est top. Et alors lui, il a même contribué. J'ai reçu des gens, moi, ici, chez moi, qui venaient de Bretagne. J'en ai reçu 3, qui sont restés 2 jours. Je les connaissais ni d'Ève ni d'Adam. C'était formidable. Ça a été vraiment alors, des super rencontres. Et donc, je m'étais investie pour les histoires de ravitaillement, de machin, de bouffe et tout ça. Lui, il m'avait donné des tonnes de trucs, des trucs de dates. J'avais fait des grosses marmites pour les gens. Enfin bon, voilà quoi. Mais c'est chouette ça, c'est plutôt... C'est de la solidarité, on s'y met tous en avant quoi. Exactement. Et pour que les gens qui... Parce que les gens ne peuvent pas comprendre quand on parle des camions au Canada, Comment ça s'appelait ce mouvement ? Je sais plus, attends, c'est le convoi de la liberté. C'est ça, voilà. Le convoi de la liberté. Et c'est, en deux mots, c'est quoi ? Bah, c'était des gens qui étaient contre la ségrégation entre vaccinés, non vaccinés, passe sanitaire et tout ce bazar, quoi. C'était ça, en fait. Hein. La suppression des libertés, la suppression de la liberté de mouvement. Enfin, bah, tout ce qui s'est passé, quoi. D'accord. Et il y avait l'idée de faire ça ici en Belgique. Et ça n'a pas pris. Non. Mais continue ton histoire, parce que tu dis les gens, mais donc là, t'es entouré de gens qui réfléchissent, qui sont solidaires, c'est plutôt sympa. Ah bah oui, mais ils sont pas tous comme ça. Hein. Moi, je peux tomber sur des gens qui vont me dire, oh là là, mais... Puis même, t'as des gens dans ta famille hein, qui pigent rien, hein, qui écoutent ces news et trucs, machin, toute la journée. Hein. Et ça fait peur quand même. C'est ça que je veux dire. Parce qu'en fait, les médias ont une responsabilité, mais énorme dans cette histoire. Ils ont absolument été dans une pensée unique, mais tous. Je te parle des médias mainstream, hein, évidemment. Mais c'est ahurissant. Après, on se renseigne, on va chercher, on regarde, on s'aperçoit qu'ils sont tous, par exemple, en France, ils sont tous chapeautés par Xavier Niel, par Bernard Arnault, par tous ces gens, en fait. Donc, tous ces médias sont achetés. Et donc, on leur fait dire absolument ce qu'on veut. Et que s'il y en a un qui est un peu récalcitrant, il est viré aussi sec. Donc, c'est très simple. Et ici, c'est exactement la même chose. Moi, j'ai été totalement désappointée de voir à quel point la radio publique était lamentable à cet égard. Et la presse aussi. La presse d'ici. Je me suis dit, mais c'est pas possible de dire des conneries pareilles. Enfin, c'est... Moi, ce qui m'a beaucoup gênée, en fait, dans toute cette histoire, et qui me gêne autant par rapport à la 5G que par rapport au reste, c'est qu'il n'y a eu aucun débat contradictoire. Pas une seule fois, il y a eu un débat contradictoire. Alors, ça signifie quoi ? Ils ont peur de quoi ? C'est quoi mais pourquoi tu parles de peur ? Enfin, pourquoi tu mets le mot peur ? C'est pas peur de quoi ? C'est qu'ils en ont rien à foutre et ils vont vers le monde où, dans lequel ils ont envie d'aller. Non, je comprends ce que tu veux dire. Ce que je veux dire par là, c'est qu'un débat contradictoire, c'est par exemple... Quand tu parles du débat contradictoire... Moi, des scientifiques de tel bord, avec des scientifiques de l'avis contraire, il n'y a pas eu une seule fois. Oui, ou simplement la 5G, hein, est-ce que je veux dire. Exactement. Donc ça reste complètement anecdotique, ce truc de 5G. C'est voilà. En fait, tout le monde s'en fout. Attends, quand tu résumes, tu dis tout le monde s'en fout. Mais de oui, qui non, tu parles mais... Bah, je parle de la majorité des gens. Écoute, est-ce que t'entends parler toi maintenant en ce moment de la 5G ? Mais non, bien sûr que non. Ben c'est ce que je te dis. Mais la majorité des gens... C'est-à-dire qu'on passe d'un truc à l'autre. La 5G, la Covid, l'Ukraine, le pass énergétique, etc. Voilà, c'est step by step. Petit à petit, on se dirige vers un truc complètement délirant. Voilà. Mais toi, Marie-Laure, peut-être... Parce que voilà, on se comprend, hein, on parle... Mais c'est pas si simple que ça. C'est comme si... Il y avait... Il faut faire gaffe à ça, pas tomber là-dedans. Mais on en discute, hein. Tu peux dire que ma pensée... Enfin, c'est ça qui est chouette. C'est que... C'est comme s'il y avait le camp des gens qui pensaient bien, et puis le gens qui... Le camp des gens qui pensent pas bien. Attends. Ouais. Et que là-dedans, tu vois, ben, pour penser, déjà pour penser, avec les outils qu'on nous met en place... d'addiction, de lobotomisation en cours, qui sont... c'est une frappe... c'est une frappe dure. Hein. Non, mais vraiment, nos téléphones et tout ce bazar. Je veux dire, déjà, il faut être en bonne santé mentale pour pouvoir prendre du recul par rapport à ça. Enfin, je veux dire, tu vois, si... Puis la pensée, ça se... Attends. Oui. Après, la pensée, ça se confronte, ça se contredit, il y a ça. Puis, tu sais, les gens, quand on parle des gens, tu sais, les gens, ils essayent d'arrondir leur fin de mois. Ils ont leur boulot, ils sont fatigués. Enfin, voilà, donc c'est pas si... Non, c'est pas si simple. Il faut pas réduire ça comme si... Et peut-être tu le penses pas, oui, c'est ça que tu non, vas... Je le pense pas. Qu'il y aurait un camp où des gens qui pensent bien et des gens qui pensent pas bien. Non. Tu comprends ? Je pense que pour penser, c'est finalement, en quelque sorte, un privilège. Tu vois ce que je veux dire ? Bah oui. Ça devient ça aujourd'hui, un privilège. Bah oui, parce que c'est comme ce que tu disais. T'as des gens, ils n'ont pas le temps. C'est-à-dire, ils bossent toute la journée comme des chiens. Ils rentrent chez eux le soir. Ils en ont rien à foutre de savoir s'il y a une bombe qui va tomber à tel endroit ou à tel autre. Enfin, je schématise. Hein. Mais voilà, parce que c'est tout. Peut-être pas qu'ils en ont rien à foutre, mais qu'ils sont crevés. Non, mais ils sont crevés. Ça induit le fait qu'ils ne vont pas s'intéresser... à des, on va dire, mauvaises nouvelles, à des, tu comprends, à des trucs plombants. Ils vont préférer se mettre devant un jeu télévisé ou je sais pas quoi pour un peu, tu vois, se laver le cerveau, etc. Voilà, donc ça, c'est inévitable. Et moi, je reconnais que j'ai la chance, finalement, d'être privilégiée. Mais c'est aussi une question d'éducation, aussi, tu vois. Moi, j'ai été éduquée par des parents qui s'intéressaient à plein de trucs, voilà. Et ben, du coup, j'en ai quand même hérité et je les en remercie, même s'ils sont plus là. Mais voilà. Alors que tu as plein de gens qui ne reçoivent pas d'éducation, qui n'ont pas la chance d'avoir un bon enseignement, qui se retrouvent dans des situations de merde. Et puis alors là, aujourd'hui, c'est quand même le pompon, hein, là, avec ces histoires d'énergie, etc., c'est une catastrophe. Les faillites en cascade, les boulangers, les trucs, enfin... Ça va ? C'est dur ? C'est la déprime un peu ? Moi, j'arrive pas à déprimer, en fait. C'est curieux, hein. Donc, je nage dans des... dans des trucs assez épouvantables, puisque je cherche et que je trouve. Mais en même temps, j'ai toujours de l'espoir. Je me dis toujours quand même, il va se passer un truc, les gens vont finir par se réveiller, ils vont finir par comprendre. Alors là, je suis assez contente de ce qui se passe en ce moment par rapport à cette mascarade qu'on a vécue pendant 2 ans, parce que voilà, maintenant, il y a plein de trucs qui sortent. Alors évidemment, c'est désolant. Je suis vraiment désolée pour les gens qui se sont fait alpaguer par ce truc. Mais non, parce que là, on décroche. Là. Oui, tu dis trop truc et de quoi tu parles exactement? Mais non, mais de ce qu'on a vécu pendant 2 ans, de cette crise sanitaire, tu vois, c'est de ça dont je parle. Et donc maintenant, ça n'arrête pas. Là, il y a des tas de papiers des plus sérieux qui sortent sur, avec des chiffres, avec des trucs qui sont indéniables, mais qui ne sont toujours pas relayés quand même par ces médias dont je parlais tout à l'heure. C'est extraordinaire. Là, par exemple, c'est pareil. Si tu veux, au niveau des médias, cette histoire de Hunter Biden... C'est un truc complètement délirant. C'est quoi? Hunter Biden, c'est le fils de Joe Biden. Et enfin, enchanté. Ouais. qui a été... si tu veux, il y a tout un truc qui est sorti sur lui, sur des affaires de drogue, de cul, de malversation, d'emploi fictif, etc. Enfin, un dossier... Le truc habituel dans les hautes sphères, quoi. Non. Ah non? Non, pas du tout, parce que là... C'est un truc, mais monstrueux. Le dossier s'appelle Marco Polo. Il faut aller regarder ce que c'est. Et c'est un truc de malade. C'est-à-dire que le Watergate... Quand on a parlé, ça semblait les trucs habituels. Non, le Watergate à côté, c'est de la rigolade. Le truc de Clinton, c'est de la rigolade. Alors qu'ils ont été immédiatement sanctionnés, etc. Ah là, ça passe crème. Et le truc, c'est que ça a été caché par le FBI dans un premier temps. Ça date de 2019. Hein. Et c'est maintenant que ça sort, tu vois. Et c'est extrêmement grave, hein, ce qui se passe là. Il va y avoir les élections, là, non ? Et les médias n'en parlent pas. C'est-à-dire, moi, je dis quand même, par certains côtés, merci Internet. Je veux dire, merci. Parce qu'il y a quand même des choses très, très intéressantes. Mais après, il faut chercher, il faut vérifier les sources, il faut aller voir qui est qui fait quoi, au nom de quoi. Enfin bon, c'est quand même tout un processus, si tu veux, mais heureusement qu'on a ça, parce que là, mais les médias, ça ressemble plus à rien du tout, quoi. C'est... Mais tu crois pas qu'il y a une... On nous cache tout, on nous dit rien, quoi, comme disait l'autre, tu vois. Oui, mais c'est un peu comme s'il y avait une volonté... Tout ça est un gros... Alors, on peut dire un gros complot. Non, j'allais pas utiliser... Si, Non, parce que là, on devrait réfléchir autrement pour déjà savoir définir c'est quoi un complot. Non, j'avais pas envie d'aller par là, mais c'était plutôt... j'ai perdu mon fil maintenant avec ton mot complot, là. Non, mais quand on parle qu'il y a plein de médias, qu'on peut se noyer, tu vois, avant, il y avait la télé de papa, oui. Tu vois, hein, trois chaînes, une chaîne, ouais. Tu vois ce que je veux dire? Mais est-ce que... Oui, mais attends, est-ce que cette télévision qui rentrait dans ta maison ou cette radio avec une voix, elle te disait forcément la vérité? Après, aujourd'hui, on est noyé dans une profusion d'informations, on ne sait plus, c'est la même chose, on ne sait plus qui dit quoi. Je suis bien d'accord, sauf qu'ils disent tous la même chose. Donc, une chaîne ou 10, c'est exactement pareil, en réalité. Ça change rien, tu vois. Et en fait, moi, je me souviens de la télévision, quand j'étais petite, où il y avait de formidables émissions pédagogiques. Il y a l'éducation. Tu pouvais réellement t'éduquer via la télévision. Il y avait des films de cinéma formidables. Il y avait plein de trucs comme ça. Il y avait même des cours à la radio. Alors, je ne sais pas si c'est sur France Culture ou je ne sais plus ce que c'était, donc il y a longtemps. Donc, des cours retransmis, des cours d'école retransmis à la radio. Enfin, je veux dire, ça n'a plus rien à voir avec aujourd'hui. Mais c'est rigolo. Est-ce que tu vas me suivre ou pas? Vas-y. C'est que tu parles donc des médias qui seraient éducatifs. Et c'est sûr, hein, il y en a eu derrière. Mais sûrement, il y a eu des gens avant que les médias éducatifs ou autres arrivent à... comme nous, à se dire, mais on n'a pas envie que nos enfants soient éduqués par la télévision ou par... Est-ce que tu suis le truc ou pas du tout? Tu vois, à mon avis, il y a toujours eu cette machinerie-là, a toujours posé des questions, quoi, tu vois, parce qu'on n'a pas attendu que la télévision débarque ou que la radio débarque pour éduquer, éduquer, non, les, éduquer nos gosses ou éduquer, le problème, tu vois. C'est que ça a pris la place des livres, tout ça. Avant, il y avait les livres. Oui, pour ceux qui savaient lire. Pour ceux qui savaient lire. Bon, après, quand même, il y avait pas mal de gens qui savaient lire. Ça dépend ce qu'ils lisaient aussi. Hein. Oui, alors ça, c'est vrai. Ouais, mais tu vois, c'est complexe, quoi. C'est oui, la nuance. C'est la nuance. En tout cas, les livres étaient avant la télévision, et c'est comme ça que les gens se cultivaient, c'est comme ça que les gens parvenaient à savoir, etc. Donc, mais avant ça, il y avait peut-être aussi... tu vas me dire, mais t'exagères. Comment tu t'appelles encore C'est que... D'humain à humain, il y avait l'échange. On se rencontre, on parle, ça m'intéresse qui tu es, d'où absolument, tu viens, ah bon, ça se passe comme ça là-bas. Voilà, tout à fait. Il y avait le voyage, même s'ils étaient très longs, il y avait les lettres, il y avait les rencontres au café régulièrement. Ça existe encore, Dieu soit loué, dans des petits bleds où les gens se réunissent encore parce que c'est nécessaire, sinon tu crèves, hein, si t'as mais pas... C'est ça. Mais c'est ça que j'ai envie on arrive tout doucement, mais on a encore un petit peu de temps, mais de faire aller ta pensée jusque... Tu sais, il y en a qui s'opposent à la 5G, j'en suis une, hein. Oui. Je l'avoue, mais c'est pas moi qu'on interview. Ouais. Mais donc, est-ce que tu arrives à penser que peut-être dans l'histoire, dans le temps, avec les premières machines, hein, je répète un peu... Ouais. Il y a des gens qui se sont aussi opposés à la télévision, à la radio. Probablement. Moi, je pense qu'il y avait des gens qui devaient considérer ça comme l'instrument du diable ou un truc comme ça, tu vois, parce que ça a dû être assez étonnant quand même. Mais quoi, alors toi, sur le coup de voir des images avec des gens qui parlent dedans, dans le poste. Hallucinant. Oui, tout à fait. Mais donc, comment tu te situes, puisque tu es aussi dans le camp d'être contre la 5G? Ouais. Tu es aussi un peu de... Comment est-ce que tu fais le parallèle entre ces gens-là? Parce que tu as envie de dire qu'ils voyaient le diable, c'est ça? Oui, bah... Et vous... Mais chaque nouvelle chose est surprenante pour les gens, finalement. Il y a eu quand même un bouleversement au niveau de la technologie absolument extraordinaire en très peu d'années. Hein. Donc, voilà. Maintenant, c'est vrai qu'on nage dans l'information, on nage dans tout ça, et les gens... ne se voit plus. Enfin. Tu vois plus de gens? Ah bah si, moi je vois toujours mes amis, hein, et d'ailleurs j'ai jamais cessé de les voir, hein, même pendant la période maudite. Mais c'est vrai que tout de même, ça m'a... Comment je pourrais... Ça m'a incité à moins sortir. Je sortais beaucoup plus. Tu dis à moins sortir ou à... moins sortir. Juste après, tu dis à sortir plus. Comment ça? Non, j'ai pas dit. Tu as dit que cette crise ne m'a pas empêchée de voir mes amis. Ça n'a rien à voir. Ça, j'ai compris. Voilà. Donc, je ne me suis pas empêchée de les voir. On s'est toujours vus. Mais, si tu veux, par rapport aux sorties, par rapport au fait d'aller dans un bistrot, plus au cinéma, au théâtre, au truc, au machin... Ben, ça m'a quand même... J'ai beaucoup réduit. Et je pense que c'est une conséquence indirecte de cet état de fait. C'est-à-dire de cette crise qui a fait que finalement... Alors après, moi, je suis quelqu'un d'assez solitaire et ça ne me dérange pas du tout, la solitude. Mais c'est vrai que ça a réduit mes envies de sortir dans le monde, on va dire. Mais tu sais expliquer pourquoi? Bah parce que je pense qu'on s'est habitué à ça pendant cette crise. Ouais, ou peut-être quand on se voyait, alors ça faisait blablabla, blablabla, blablabla, et ça s'engueulait, et c'était pas gay ou... Ah non, c'est pas ça. C'est que je pense que c'est un rythme qui a été pris et qui fait que, voilà, ça m'a fait cet effet-là, tu vois, de moins sortir, de moins... voilà. J'étais beaucoup plus concentrée sur mes bouquins, sur la musique, sur autre chose, quoi. Voilà. Ouais, ça. Et... ça va? Oui. Allez, il reste 5 minutes pour dire quelque chose que... Bah écoute, moi j'ai quand même foi en l'humain, hein, malgré tout. Hein. C'est un peu difficile, mais j'y arrive. Donc, en réalité, je pense que je suis très consciente de tout ce qui se passe, de pas bien. Et en même temps, écoute, je suis contente de me lever le matin. Hein? Ben oui, non, mais c'est vrai. Tu vois, et je, voilà, il y a plein de trucs qui m'intéressent. Et puis, j'aime bien parler avec des gens quand je les rencontre. J'aime bien, voilà, là, j'ai fait connaissance il n'y a pas longtemps avec une nouvelle voisine que j'ai rencontrée à l'arrêt du bus en allant à une manif. On est devenus amis. Enfin, voilà, c'est chouette, quoi. C'est vraiment des rencontres plutôt sympathiques. Mais j'ai quand même ce ralentissement de... Je sortais beaucoup plus avant. Et puis, si tu veux, on va quand même d'interdiction en interdiction. C'est-à-dire que tu peux... Alors, on ne peut plus fumer, on ne peut plus boire, on ne peut plus... Enfin bon, tu vois ce que je veux dire. Donc, il y a eu ça aussi. À un moment donné, avec leurs histoires d'alcoolémie, alors je comprends, et je ne suis pas pour que les gens conduisent bourrés, bien sûr. Mais tu bois 2 verres de vin... C'est terminé, tu peux plus conduire, c'est limite si tu peux prendre ton vélo. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Et en fait, tout est comme ça. C'est-à-dire que petit à petit, on interdit tout. Avant, il n'y avait pas de ceinture de sécurité. Alors, il y a eu la ceinture de sécurité. Et en fait, et alors, moi, les mots que je maudis réellement, c'est sécurité. Alors, ça, c'est un mot que je déteste, quoi. Et on t'en flanque avec des pubs d'alarme, tu sais, non-stop, et la sécurité, et la protection. Et alors, oui, il faut se protéger à tout prix, il faut se sécuriser. Et ça, voilà, ça, c'est un message de merde. Pourquoi ? Parce que ça empêche toute communication avec autrui. Ah enfin, oui, mais alors tu oublies de parler de la peur, du coup. Parce que si on dit sécurité, ça veut dire qu'il faut aussi avoir peur. Bah, ils ont bien tout fait pour qu'on ait peur. Donc, tu as des tas de gens qui sont encore peur. Terrorisés. Ah, mais ils sont carrément terrorisés. Hein. Tu as même des gens qui ont encore des masques dans la rue, dans leur voiture. Alors, heureusement, c'est beaucoup, beaucoup moins. Mais... Toujours est-il que ça existe encore. Moi, je pense que ça va rester, mais vraiment inscrit dans les gens, tellement ça a été violent. Et ceux à qui je pense en particulier, c'est les gamins, quoi. Parce qu'ils ont vraiment vécu un truc, mais horrible. T'as des gamins, toi ? Moi, j'en ai deux. Des petits, des grands ? Non, des grands. Mais voilà, ils ne sont pas vaccinés, ils sont très lucides. Limite, j'en ai un qui est même un peu trop lucide. Tu vas dire quoi, ça ? Bah, ça veut dire que ça aide pas vraiment à être bien dans ta peau, tu vois ce que je veux dire. Et voilà, et ils ont vraiment morflé, tu vois, pas pouvoir voir des copains quand t'es ado, mais même avant, les gamins à l'école avec des trucs sur la tronche, je veux dire, à pas pouvoir respirer, à pas pouvoir voir le visage de la maîtresse, de l'instit, des copains. À un moment donné, on les mettait dans des cercles. Mais on était... Moi, quand je regarde ça maintenant, je me dis, c'est dingue ce qu'on a été capable de faire, quoi. Mais moi, je parlais pas vraiment, mais t'as envie d'en parler, on en parle, hein, de tout ce Covid pendant 2 ans, parce que j'ai déjà fait plein d'émissions là-dessus. Oui, c'était la 5G, on parle de la 5G, oui. Mais... C'est aussi un monde futur dans lequel on nous prépare, là, qui est balèze. J'ai vu que tu avais, ici, on a oublié de le dire, mais t'as plein de papiers, là. Ah ben moi, j'ai tout un dossier, ouais, avec toutes les conséquences néfastes de ce truc sur la santé. Alors ça, c'est absolument extraordinaire. Et puis, ils ont augmenté le voltage par mètre, petit à petit, mine de rien, etc., avec la complicité des opérateurs. Tu vois, tac, tac, tac, tac, tac. Donc, on monte en voltage et c'est dégueulasse, quoi. Tu vois, je crois qu'au début, c'était 0. Le truc acceptable, c'était 0,6. Et là, ils veulent nous flanquer 41 et quelques de voltage par mètre. Tu peux imaginer le saut, là. Ça veut de 0 à 6 De 0,6 à 41. Alors, j'avais toutes les étapes, là, mais je ne me souviens plus ce que c'était. Alors, après, il y a eu entre-temps 14,5 volts par mètre. Et puis, après, on en arrive à des trucs complètement délirants. Et les études sont... C'est pour ça que je compare aussi. C'est un peu comme dans la crise Covid. Si tu veux, les études ne sont pas faites par des indépendants. Mais c'est toujours la même chose, quoi. C'est toujours la même chose. Mais... Donc, c'est les industriels qui font les études sur ce qui est tolérable ou non. Voilà. Donc après, qu'est-ce que tu veux faire ? Mais où sont les indépendants qui ont envie alors aussi ? Tu vois, moi, c'est ça que je ne comprends pas très bien. C'est parce que je ne suis pas dans le milieu. Qui battent, mais qui n'ont pas voix au chapitre. Tu as des gens ici, Paul Lannoy. Mais elle n'est plus là, Paul Lannoy, oui, paix à son âme. Oui, paix à son âme. Mais il y en a d'autres qui ont lutté contre ça. C'est sûr, mais heureusement. Mais, heureusement. Mais on n'en parle pas. Ils n'ont pas voix au chapitre, ces gens-là. On ne leur donne pas la voix, en fait. Non, on ne leur donne pas la voix. Il faut bien l'entendre, du coup, alors que quand on entend... une étude, ou quand on lit plutôt une étude, ou les deux, il faut se méfier de savoir, évidemment, qui l'a produite, cette étude. Aussi, un truc incroyable. Alors, je recommanderais à tout le monde d'aller voir qui est Paul Héroux, H-E-R-O-U-X, qui est prof à McGill au Canada. Et qui est... Il y a quelqu'un devant toi, pour toi, devant la porte ? Super intéressant. Non ? Non ? Ah, ok. Bref, donc il faut écouter Paul Héroux, qui est formidable et qui est un spécialiste des ondes électromagnétiques. C'est vraiment génial. Alors évidemment, il a été traité de complotiste, comme d'habitude, mais vraiment, c'est un mec hyper sérieux. Il faut aller voir son curriculum vitae. Il est fantastique. Il y a des vidéos terribles qui expliquent tout sur les ondes électromagnétiques, la 4G, etc. Voilà. Quoi, voilà, tu t'en vas ? Tu t'en vas ? Ben non, mais je vais ouvrir la porte. Vas-y, vas-y, ouvre la porte. Bon, ben quoi ? Vas-y, va ouvrir la porte. Quelqu'un qui sonne chez Marie-Laure. Marie-Laure. Marie-Laure. Et on était presque à terminer ce micro ouvert. Et donc, on va le terminer. On va le terminer. Ça va ? Et donc, on parlait des ondes, oui, de passer de l'un à l'autre, des études faites, qu'il évidemment savoir se renseigner qui l'a produite, cette étude. Et bien sûr, et avec quelles compétences, etc. Et franchement, Paul Héroux, c'est le must. Ah ouais, lui, il est formidable. On va aller voir. Hein. Il y a moyen de le lire en français ? Oui, mais c'est un Canadien, hein. Il parle un bel accent canadien, donc c'est tout à fait charmant. Il est très clair. Et il y a, alors j'ai vu qu'il y avait, il y a pas mal de vidéos sur lui, mais il y en a une qui est formidable, où il explique tout depuis l'invention finalement de la radio, des radiofréquences, etc. Donc tout AM, FM, AM, après 1G, 2G, 3G, 4G, 5G... Et donc voilà. Et donc tout ça, c'est, il fait l'historique génialement bien. Merci Marie-Laure. Je vous en prie.